Chapitre 4. Comme il arrivait à la porte du salon, il se trouva en face de Gaston de Pontperran, qui entrait lentement, marchant à pas comptés. Si cette visite avait eu un témoin, celui-ci aurait été frappé du contraste curieux qui existait entre ces deux hommes, aussi différents que s'ils avaient été de deux races éloignées l'une de l'autre. Celui-ci plein d'aisance, celui-là plein de roideur. Le colonel négligeait dans sa tenue, naturelle dans toute sa personne, des pieds à la tête. Gaston de Pontperran, peigné, rasé, cravaté, habillé, ganté, chaussé, avec la correction la plus irréprochable. Cependant, malgré ce contraste, ils s'abordèrent comme deux amis intimes qui ont vécu de la même vie, mais bien entendu en conservant l'un et l'autre et en marquant bien chacun son caractère. Le colonel tendit à son ami ses deux mains largement ouvertes, comme s'il voulait le prendre dans ses bras et l'embrasser, tandis que celui-ci avança à peine sa main droite, dont les doigts restèrent serrés les uns contre les autres. « Comment, cher ?» dit Pontperran, restant debout au milieu du salon, tenant sa canne d'une main et son chapeau de l'autre. « Comment ? C'est par un journal que j'apprends votre arrivée en France. On annonce que vous êtes à Paris depuis le 10, c'est-à-dire depuis 2 jours, et je ne vous ai pas vu. Je n'ai pas même reçu un mot. Une simple carte de vous. Voilà, permettez-moi de vous en faire l'observation, qui n'est pas correcte. Vous auriez raison si... Permettez, interrompit Pontperran en levant sa canne par un mouvement sec. Je crois n'avoir pas tort. Au moins, êtes-vous dans l'erreur quant aux dates? Comment cela? J'arrive à l'instant même. Ceci est un point de rectifié, mais il n'en reste pas moins établi que les journaux ont été avertis de votre voyage avant moi. Pas par mon fait, je vous l'affirme. Lorsque ce voyage en Europe a été décidé du jour au lendemain, j'ai envoyé une dépêche à mes banquiers pour les prier de me retenir un appartement. Je ne sais comment les journaux français en ont été informés et surtout comment ils ont trouvé intéressant de s'occuper d'un aussi petit personnage que moi. Cela est fort déplaisant et en tout cas, cela m'a valu déjà une série d'ennuis assez agaçants. Comment, vous, Américains, vous vous plaignez des journaux? En Amérique, je ne m'en plaindrai pas, car nous sommes habitués à ce genre d'indiscrétion. Mais il me déplaît d'être annoncé en France comme une espèce de phénomène. Bien que je sois américain de naissance, je n'en ai pas moins certaines idées françaises. Enfin, ces annonces m'ont valu ce tas de lettres que vous voyez sur cette table. Si chaque matin je reçois ainsi des demandes de secours, des propositions d'affaires ou même des rendez-vous, cela rendra mon séjour en France peu agréable. Aussi, pourquoi avez-vous adressé votre dépêche à vos banquiers au lieu de me l'envoyer? Vos banquiers auront parlé de votre prochaine arrivée à quelques journalistes, et celui-ci n'a eu rien de plus pressé que de faire de longues tartines sur le propriétaire des sources de pétrole de Pennsylvanie, sur sa fortune, etc., etc. Cela était obligé, tandis qu'avec moi, vous étiez assuré de la discrétion. Mais c'est à mon point de vue que je me place pour me plaindre au nom vôtre, et c'est en mon nom que je dis que votre procédé n'a point été correct. Vous auriez dû vous rappeler tous les services que vous m'avez rendus en Amérique et me mettre à même de vous prouver que je ne les avais pas oubliés. Ne parlons pas de cela. Parlons-en au contraire, car c'est sur ces obligations que sont établis mes droits. Quand les chances de la guerre m'ont fait votre prisonnier, vous m'avez traité en ami, non en ennemi, et pourtant il eût été juste et correct que vous eussiez pour moi des procédés tout différents. Car enfin je n'étais pas un géorgien, j'étais un Français. Et en cette qualité, je me mêlais de ceux qui ne me regardaient pas. Vous aviez des parents dans le sud? Évidemment. Si je n'avais pas voulu ménager l'héritage de ma tante, que je n'ai pas encore d'ailleurs, je ne me serais pas jeté dans cette guerre. Mais cette raison était une mauvaise raison, qui ne justifiait pas mon intervention. Quels que fussent mes torts envers vous, hommes du Nord, vous les avez oubliés. Votre bourse, vos amis, vos relations, tout ce qu'un galant homme peut offrir, vous l'avez mis à ma disposition pendant tout le temps que j'ai passé en Amérique. Aujourd'hui, vous venez en France, à Paris, où je suis chez moi. Vous devez me donner la satisfaction de faire pour vous ce que vous avez fait pour moi. Bien entendu, je ne vous offre pas ma bourse. Celle que j'ai eue autrefois est si légère maintenant qu'elle ferait triste mine. Et puis la vôtre est si grosse que mon offre serait ridicule. Mais j'ai des amis, j'ai des relations, j'ai quelque expérience du monde parisien, des plaisirs de Paris. Prenez-moi pour guide. Usez de moi, de mon temps, de mon dévouement. Voilà ce que je me crois en droit de réclamer, d'exiger. Est-ce dit? Monsieur de Pompéran avait débité ce discours avec le plus grand calme, toujours debout, scandant ses phrases d'un petit coup de canne. Lorsqu'il fut arrivé à la péroraison, il fit passer cette canne sous le bras qui tenait déjà le chapeau, de manière à avoir la liberté de sa main droite, qu'il tendit alors au colonel. Mais dans ce mouvement, il ne laissa pas paraître le moindre entraînement. Pour le colonel, il prit la main avec effusion, et longuement, fortement, il serra les doigts de son ami. Alors seulement, celui-ci trouva convenable d'accepter le fauteuil que plusieurs fois le colonel lui avait avancé. « Ainsi vous m'appartenez, » reprit-il, « c'est entendu, n'est-ce pas ? Seulement, avant de ratifier cet engagement solennel, permettez-moi une question. Avez-vous des affaires ici, ou bien ne venez-vous à Paris que pour votre plaisir ? Je ne pense pas qu'il y ait indiscrétion à vous poser ces questions, pas le moins du monde. D'autant mieux que, si vous me répondez que vous avez des affaires, je ne vous demanderai pas lesquelles. Ce que je désire, c'est une simple indication qui serve à régler nos relations. Eh bien, je vous réponds que pendant mon séjour à Paris, je n'aurai à m'occuper que d'une seule affaire, seulement elle est d'une importance décisive pour moi. Il suffit. Pourquoi donc ? Je n'ai aucune raison pour ne pas vous en parler. Bien au contraire, il s'agit d'un mariage. Pour vous, pour moi. Vous venez à Paris pour vous marier. Je n'en sais rien encore, je viens voir si je me marierai. Si c'est une femme que vous venez chercher, j'insiste sur ma proposition. Je suis à vous, disposé de mes relations. La femme que je dois épouser n'est point à chercher. Ce qui reste à décider, c'est de savoir si je l'épouserai ou ne l'épouserai pas. En deux mots, voici de quoi il s'agit. J'ai perdu mon père il y aura un an, le 7 mai. Vous savez quelle affection j'avais pour lui. Avant de mourir, mon pauvre père, qui se sentait perdu, a pu m'adresser ses dernières recommandations. « Si je suis devenu un homme, m'a-t-il dit, c'est à mon frère Antoine que je le dois. Antoine est un modèle de droiture, d'honneur et de dévouement. Si les circonstances de la vie nous ont séparés, et si je ne l'ai pas revu depuis 30 ans, il n'en est pas moins pour moi un frère chéri, mieux qu'un frère, un père. Antoine a une fille qui doit être âgée d'une 15aine d'années. Va à Paris, vois cet enfant, et si elle te plaît, épouse-la. Tu paieras ma dette envers mon frère. Ce n'est point un ordre que je te donne, ni une volonté que je t'impose. Je ne sais ce qu'est ma nièce, si elle peut te plaire ou si elle est digne de toi. Antoine n'a pas eu comme moi la chance de faire fortune. Il est resté, tu le sais, ouvrier. Mais quelle que soit sa position, je suis sûr qu'il a élevé sa fille dans des idées de devoir et d'honneur. Il en a fait une honnête fille, une femme de cœur, à moins d'avoir rencontré en elle une mauvaise nature, ce qui n'est pas probable. Va donc à Paris, vois Thérèse, et ne te marie pas avec une autre sans savoir si celle-ci peut être ta femme. Voilà ma position, mon cher ami. Je ne suis pas fiancé à ma cousine, je ne suis pas obligé de l'épouser, mais il est possible que ce mariage se fasse. Vous épouseriez la fille d'un ouvrier parisien, vous. Et pourquoi pas ? Qu'était mon père, un bûcheron ? Qu'était ma mère, une couturière ? Comment ai-je commencé à être élevé ? En ouvrier ? Tout à coup, la fortune s'est fait un jeu de nous enrichir. Mais elle n'a pas mis un sang bleu dans mes veines, ni des idées aristocratiques dans ma tête. Je ne dis pas que j'épouserai Thérèse parce qu'elle est la fille d'un ouvrier parisien. Mais je ne dis pas davantage que je ne l'épouserai jamais parce qu'elle n'est que la fille d'un ouvrier. Je dis que je ne sais pas ce que je ferai. Si Thérèse me plaît, je serai heureux de réaliser le désir de mon père. Si elle ne me plaît pas, je ne l'épouserai pas, voilà tout. Je dois avant tout voir, et c'est pour cela que je viens à Paris. J'aurais fait ce voyage plus tôt si la mort de mon père ne m'avait obligé à régler, avant mon départ, de grosses affaires fort compliquées. Aussitôt libre, je suis parti et me voilà. Ce mariage ne se fera pas. Et pourquoi donc ? Avec votre éducation, vous ne pouvez pas prendre pour vous une petite fille qui n'a pas été élevée. Avec votre fortune, vous ne pouvez pas épouser une ouvrière. Ce ne serait pas correct. Voulez-vous donc que ma fortune épouse une autre fortune ? Ce n'est pas cela que je dis. Je veux que la position, je veux que la supériorité sociale que vous devez à votre fortune vous donne un mariage une autre supériorité. En un mot, j'estime que tel que vous êtes, vous pouvez choisir votre femme parmi les 20 ou 30 jeunes filles qui sont à la tête du monde européen. N'oubliez pas, cher ami, interrompit le colonel en riant, que je ne suis qu'un marchand de pétrole, autrement dit une sorte d'épicier. Quelle niaiserie ! Vous êtes une force sociale, la plus puissante de notre temps. Si vous voulez en faire l'expérience, Laissez-vous conduire, et vous verrez les pères, les mères, les femmes, les jeunes filles venir à vous. Vous n'aurez pas à chercher, vous n'aurez qu'à vous défendre, au contraire, de manière à rester libre pour le jour où il vous plaira de choisir entre toutes celles que vous voudrez. Et vous épouseriez une ouvrière? Allons donc, dotez-la, votre cousine, c'est tout ce que vous lui devez. » Le colonel secoua la tête par un geste qui disait qu'il n'était pas homme à se laisser toucher par de pareils arguments. « Au reste, continua M. de Pontperrant, je suis bien bon de vous tenir ces discours. Vos yeux vous en feront de plus éloquents. Mais en attendant, vous m'appartenez. Je suis le premier arrivé, je ne vous quitte plus. Que voulez-vous faire aujourd'hui ? Rien. Attendre mon balai de chambre qui doit arriver avec mes bagages. C'est toujours le fidèle Horace. Toujours. Eh bien, quand Horace sera arrivé, vous vous habillerez, nous dînerons ensemble. » Nous irons à la première représentation de la grande duchesse de Gerolstein, aux variétés. Puis, après le théâtre, je vous conduirai dans une maison où je vous ferai connaître quelques-uns de mes amis et plusieurs de mes amis.